Chapitre 5. Il en coûta beaucoup à Annonciade le lendemain de retourner à Gerlac. Maintenant, elle avait peur d'une nouvelle rencontre avec Gwenaël. Cette crainte n'était pas vaine, car à peine commençait-elle une lecture à Madame de Pandelon, dans un bosquet du parterre, qu'Henri apparut, venant informer un que M. de Pandelon la priait de monter à la bibliothèque avec Mlle Lehennec afin de leur montrer les vieilles chroniques de Gerlac dont il leur avait parlé la veille. Au premier moment, Madame de Pandelon et Rhin ne purent dissimuler leur vive stupéfaction. Mais tout aussitôt, la marquise s'écria « Oui, oui, allez vite, mon enfant! Quel bonheur s'il pouvait sortir un peu de sa sauvagerie! Comment est-il aujourd'hui, Henri ?» Ce matin, monsieur était sombre et nerveux, comme au plus mauvais jour, madame la marquise. Mais, en ce moment, je le trouve un peu mieux. Un pli soucieux se formait sur le front de Rhun. Elle jeta un coup d'œil vers Annonciade, émue et rougissante, puis objecta de sa voix tranquille. « Gwenaël aurait pu nous faire porter ses chroniques ici. » Madame de Pandelon l'interrompit avec une impatience irritée. « Pourquoi veux-tu qu'il se dérange quand il vous est si facile d'aller le trouver? C'est une distraction pour lui qui n'en a plus guère, le pauvre ami. Allez vite, ne le faites pas attendre. Il est si rare maintenant qu'il s'intéresse à quelque chose. » Rhun dit d'un ton contraint « Voulez-vous venir, mademoiselle ?» Annonciade se leva, le cœur battant, car il lui était impossible de refuser. Elle suivit Rhun dans l'escalier de granit, d'une imposante et sombre beauté, dans les longs corridors couverts d'épais tapis où les pas enfonçaient. Henri, qui précédait les jeunes filles, ouvrit une porte et Annonciade se vit au seuil d'une grande pièce longue, tendue de tapisseries de Flandre, meublée de bibliothèques, de bahuts et de tables, du plus beau travail de la Renaissance. Trois portes-fenêtres ouvraient sur une terrasse de pierre. Devant l'une d'elles se tenait debout Gwenaël. Il se détourna au bruit de la porte et s'avança vers les arrivantes. « Je me suis permis de vous demander de venir, mademoiselle, pour vous montrer les plus intéressantes de nos vieilles chroniques, toutes renfermées ici. » Elle le remercia, non sans un peu de contrainte. À nouveau, l'émotion l'étreignait aussi fortement que la veille. Mais lui semblait parfaitement calme, très à l'aise. D'une bibliothèque, il sortit des manuscrits jaunis, des brochures qu'il posa sur une table. Très rapidement, il trouva ce qu'il cherchait dans ses papiers rangés en un ordre parfait. « Voulez-vous me prêter l'aide de vos yeux et de votre voix pour prendre connaissance de ceci, mademoiselle? Je sais que vous lisez admirablement, et moi, je ne peux plus. » Et, prenant le vieux manuscrit qu'il lui tendait, elle évoqua tout à coup les heures passées, l'année précédente, sur la terrasse de la Bastide, à écouter la voix chaude, nuancée, qui lisait les poètes anciens, qui les commentait avec tant de charme, et berçait, endormait la vigilance des grands-parents, l'ignorance naïve de la petite fille. Heure délicieuse, heure de rêve, qui préparait une grande souffrance. Y pensait-il, lui aussi, le beau Gwenaël au cœur énigmatique? Elle n'osait le regarder. Assise en face de lui, elle ouvrit le manuscrit et commença à lire. À cette heure tardive de l'après-midi, la lumière pâlissante pénétrait dans la grande pièce ancienne, s'étendait en longues coulées claires sur les teintes passées du tapis de la savonnerie, sur l'ornementation délicate des meubles, sur les personnages mythologiques des vieilles tentures et les tableaux de maître, les pièces d'orfèvrerie, les émaux, les reliures anciennes qui faisaient de la bibliothèque de Gerlac un véritable sanctuaire d'art. Dans le silence, la jeune voix délicatement timbrée s'élevait sous le haut plafond cloisonné aux dorures éteintes. Elle tremblait un peu d'abord, comme les lèvres, comme le cœur d'Annonciade. Puis elle se raffermit. Elle sut donner une grâce expressive, une force harmonieuse à la pensée un peu rude des vieilles légendes qui étaient, sans garantie d'authenticité, le plus ancien mémorial de la race des Pandelon. Devant la jeune fille, Gwenaël, accoudée à la table, tenait sa main sur ses yeux, comme si la lumière du dehors l'eût gênée. Près de lui, Rhun, pensive, regardait Mlle Lehennec. 5 heures sonnèrent. M. de Pandelon, interrompant Annonciade à une fin de phrase, demanda « Avez-vous pris le thé, Run ?»« Non, pas encore. »« Eh bien, Henri le servira ici, ou plutôt dans le jardin. » « Laissons pour aujourd'hui cette lecture, mademoiselle. Il ne faut pas risquer de vous fatiguer. Sonne Henri, je te prie, Run, et donne-lui les ordres pour le thé. Je passe en avant avec mademoiselle Le Hennec. » Il se leva, se dirigea vers une porte qu'il ouvrit et s'effaça en invitant du geste Annonciade à entrer. Hésitante, elle restait debout au milieu de la pièce. Gwenaël dit d'un ton bref « Passez donc, mademoiselle, ma sœur nous suit. » Elle rougit sous son regard. Il était peut-être encore suffisamment clairvoyant pour remarquer le trouble qui se saisissait d'elle à la seule pensée d'un tête-à-tête. Et d'ailleurs, il n'avait pas besoin de ses yeux pour deviner le motif qui la faisait hésiter. Elle passa devant lui et il la suivit dans le salon voisin, décoré à l'orientale, dont Annonciade, tout à son émoi, entrevit seulement la splendeur. Monsieur de Pandelon lui fit encore traverser un fumoir orné de vieux panneaux de chêne sculptés par un artiste armoricain et ouvrit une porte dans laquelle s'enchâssaient d'admirables vitraux anciens. Elle donnait sur un perron de granit d'où, par les degrés étroits et nombreux, on descendait dans l'enclos qu'Annonciade avait aperçu la veille au-delà de l'arche de pierre. De légères clartés se glissaient entre les feuillages d'un vieux figuier caressait une ébée de marbre, délicats morceaux de sculpture, éclairait les arbustes et les fleurs d'un petit parterre vieillot cerné de buis. Dans un coin d'ombre, la margelle d'un puits s'effritait sous le lierre qui montait à l'assaut d'une curieuse ferronnerie ancienne. Autour de l'enclos, les murailles se dressaient, très hautes, vénérables comme le manoir lui-même, farouches aussi, gardiennes du petit jardin fermé que le soleil inondait de sa lumière avant de le quitter bientôt. Annonciade murmura « Que c'est joli !» Gwenaël dit d'un ton bas et amer « Désormais, tout cela est fini pour moi. » Annonciade tressaillit. Une compassion douloureuse la serrait au cœur. Silencieusement, elle s'avança, foulant d'un pas léger le fin gravier. Des sièges aux formes antiques se disséminaient sous le figuier. Un peu plus loin, gisait une vieille statue mutilée. Monsieur de Pandelon la montra à la jeune fille. On l'avait trouvée, quelques années auparavant, dans un souterrain du manoir, et les archéologues conviés pour l'examiner s'étaient vainement essayés à déterminer son origine. Monsieur Le Hennec a fait sur elle un excellent travail, mais pas plus que ses confrères, il n'a pu avoir une certitude au sujet du personnage ou du symbole qu'elle représente, ni de l'époque où elle vit le jour. Mon père est très considéré comme archéologue, n'est-ce pas ? Oui, on lui reconnaît beaucoup d'autorité en tout ce qui touche les antiquités celtiques et gallo-romaines. J'ai eu moi-même, plus d'une fois, recours à ses connaissances au temps où j'étudiais ces questions. Run apparut à ce moment et, peu après, Henri apporta le thé que servit mademoiselle de Pandelon. Gwenaël, assis près d'Annonciade sous le figuier, parlait des origines légendaires de Guerlac tout en passant une main distraite sur le poil souple de son chien. Annonciade l'écoutait, un peu engourdie par la tiédeur de l'air, l'arôme des giroflées qui fleurissaient dans le petit parterre. Le bruit sourd du flux sur les roches de la côte accompagnait, comme une basse, la voix au timbre enchanteur. Annonciade oubliait l'heure dans le délicieux bien-être du petit enclos parfumé. Le soleil avait quitté le jardin et même les fenêtres hautes de cette façade du manoir, quand elle s'aperçut que le moment auquel, habituellement, elle quittait Guerlac était passé depuis quelque temps. Elle se leva, un peu confuse. « Comme je me suis attardée! Vous auriez dû me prévenir, mademoiselle !» Gwenaël dit, avec son séduisant sourire de naguère, « Je ne l'aurais pas permise à ma sœur, et j'espère que demain vous reviendrez pour continuer cette lecture qui a paru vous intéresser. »« Je ne sais !» Madame de Pandelon aura sans doute besoin de moi. Eh bien, je m'arrangerai avec elle à ce sujet. » Comme la veille, il la reconduisit jusqu'à la grille avec Run et il la quitta en disant « À demain. » Le trouble et l'anxiété se partageaient l'âme d'Annonciade tandis qu'elle revenait vers le logis. Une situation nouvelle se présentait pour elle dans ce manoir de Gerlac où elle n'était venue qu'à son corps défendant. Tant qu'il s'agissait d'avoir affaire seulement à Madame de Pandelon et à Rennes, tout allait bien. Mais maintenant... Oh non, elle ne voulait plus le revoir. Il éveillait en elle un trop pénible souvenir. Et il mettait en son cœur trop d'émoi, trop de souffrance, trop de crainte aussi. Car il était le même, toujours, le beau marquis de Pandelon, le subtil charmeur. Annonciade en avait eu conscience aujourd'hui. Et son regard voilé, adouci, les traces de la souffrance morale sur son visage, les preuves sous laquelle se révoltait son âme orgueilleuse, apparaissaient comme des attraits de plus, surtout pour une nature telle que celle d'Annonciade. Elle comprenait qu'un danger l'attendait là. Mais comment l'éviter ? En parler à sa belle-mère, elle y avait une secrète répugnance. Madame Le Hennec ne lui inspirait pas une sympathie bien vive. Sa sécheresse d'âme, un sens pratique souvent excessif, l'habitude qu'elle avait de toujours mettre en avant la question pécuniaire, éloignaient d'elle le cœur d'Annonciade, aimant, délicat, tout pénétré d'idéal et de désintéressement. Puis, il semblait excessivement pénible à la jeune fille d'aborder ce sujet, de parler de Wenaël, de dire ses craintes que l'expérience déjà faite rendait plus précise. Néanmoins, en y réfléchissant, elle reconnaissait que son devoir était bien tracé en l'occurrence. À défaut de son père, qui ne s'occupait de rien, elle devait demander conseil à sa belle-mère. Madame Le Hennec travaillait dans la salle à manger quand Annonciade entra. Elle leva la tête en disant « Ah, vous voilà, cet après-midi s'est bien passé. »« Très bien, ma mère. Avez-vous revu M. de Pandelon ?» Un frémissement courut sur le visage d'Annonciade. « Oui, il nous a fait demander, sa sœur et moi, pour lire des chroniques enfermées dans sa bibliothèque. C'est près de lui que nous avons passé l'après-midi, et il m'a prié de venir demain continuer la lecture commencée. » Madame Le Hennec, les mains croisées sur son ouvrage, attachait sur sa belle-fille un regard attentif. Une lueur de vive satisfaction traversa les yeux bleus, bien fendus mais sans charme d'expression, un sourire presque imperceptible glissant entre les lèvres roses et minces. « Vraiment ? Il y a donc grande amélioration chez lui, au point de vue moral du moins. Sa mère doit en être bien heureuse. »« Je ne sais, probablement. » « Mais ne pensez-vous pas, ma mère, que pour moi il est difficile de... »« Quoi donc, il vous déplaît de devenir la lectrice du marquis de Pandelon ?»« Oui, vous avez compris que... »« Qu'autrefois, il s'est amusé de mon inexpérience. Je ne puis l'oublier, car j'en ai beaucoup souffert. En outre, il me semble que, de toute façon, ma place n'est pas là. » Madame Le Hennec demeura un moment sans répondre, les yeux toujours fixés sur la physionomie troublée d'Annonciade. Puis elle dit, de sa voix calme et sèche, « Si M. de Pandelon était bien portant, il n'y aurait même pas à discuter sur ce sujet. Mais il s'agit d'un homme souffrant, malheureux, ce qui change tout à fait la question. C'est un acte de charité que vous accomplirez là, en l'aidant à sortir de l'existence farouche dans laquelle il s'enferme. » Le refus m'apparaît donc impossible en ce cas. Mais cependant, si la situation est pénible pour moi. Je vous crois assez sérieuse pour effréner toutes les imaginations romanesques, pour ne voir en M. de Pandelon que le malade dont vous devez distraire un instant la souffrance. Par ailleurs, la présence de sa sœur écarte pour vous tout prétexte de crainte et sauvegarde absolument les convenances. Je vous le répète donc, un refus me paraît impossible comme étant non justifié. » Annonciade n'insista pas. Elle avait l'impression qu'elle ne serait pas comprise dans les délicatesses de sa conscience et dans le tremblant émoi de son cœur, tout meurtri encore par cet amour que Wenaël de Pandelon lui avait fait connaître. Sans doute, Madame Le Hennec jugeait que le châtelain de Gerlac, à demi aveugle, n'était plus à craindre. Mais Annonciade, elle, sentait qu'il le serait toujours, fût-il dans la nuit de la complète cécité. Elle retourna donc le lendemain à Gerlac, elle alla de nouveau en compagnie de Run s'asseoir dans la bibliothèque pour lire les vieilles légendes. Puis, les jours suivants, plusieurs fois, Wenaël la fit encore demander. Il avait d'anciens volumes, de curieuses estampes à lui montrer, d'intéressants articles de revues pour lesquels il demandait le secours de ses yeux et de sa voix, cette voix incomparable qui, disait-il, lui faisait paraître plus désagréable le timbre légèrement nasillard de son secrêtre, un grand jeune homme frêle et songeur qu'Annonciade avait entrevu deux fois. Madame de Pandelon se prêtait avec empressement à cette fantaisie de son fils qui, peu à peu, lui enlevait presque complètement sa lectrice. Elle était trop heureuse de ce changement chez lui pour avoir la pensée d'y opposer la moindre objection. Et elle accueillit par un petit rire de raillerie cette objection que lui fit sa fille un jour. « Ne pensez-vous pas, maman, qu'il est un peu dangereux pour cette jeune fille d'avoir des rapports si fréquents avec Wenaël ?»« Ne t'occupe pas de cela, Run. Que Wenaël la trouve charmante et se plaise à la voir près de lui, rien de plus naturel. Du moment que tu es là, toutes les règles de la correction se trouvent observées. Ma présence n'empêchera pas que cet enfant s'éprenne de lui et qu'elle en souffre. » Madame de Pandelon leva les épaules. « Elle l'a déjà vu dans le midi. Si elle doit l'aimer, c'est fait depuis longtemps. D'ailleurs, je ne me soucie pas d'elle, mais uniquement de Wenaël, qui trouve une distraction dans sa présence. » Run dit avec une indignation contenue, « Même pour lui, vous n'avez pas le droit de mettre en péril l'honneur de cette jeune fille et la paix de son cœur. » Madame de Pandelon se redressa en attachant sur sa fille un regard de stupéfaction irritée. « Deviens-tu folle? Où vois-tu que son honneur soit menacé? Ton frère est un parfait gentilhomme et tu es là, d'ailleurs, comme chaperon. Cesse donc tes observations ridicules. Mademoiselle Lehennec peut adoucir un peu la tristesse de cette existence. Voilà tout ce que je vois, tout ce que tu dois voir aussi, en bonne sœur. » Run garda le silence. Elle savait trop bien que sa mère eût sacrifié tout l'univers dès qu'il s'agissait de Wenaël. Avec un cœur soucieux, elle continua d'accompagner Annonciade quand M. de Pandelon la faisait demander. Elle écouta, en travaillant à de merveilleuses broderies, la jeune fille qui lisait, ou Wenaël développant avec sa maîtrise habituelle des considérations sur les sujets divers traités dans ses lectures. Parfois, elle laissait tomber un mot juste et net que ne relevait pas son frère. Annonciade était toujours péniblement impressionnée par la froideur nuancée de dédain que celui-ci témoignait à l'égard de Run. Elle, qui entrevoyait tant de beauté insoupçonnée dans ce cœur et dans cette intelligence de femme, s'indignait à l'idée que ni la mère ni le frère ne pouvaient les découvrir et que Run souffrait profondément de leur indifférence, de cette solitude morale dans laquelle il la laissait. Wenaël continuait de garder la même attitude envers Annonciade. Une courtoisie discrète, un air aisé, comme si, véritablement, rien n'eût jamais existé entre eux. Mais ce qui représentait sans doute, pour lui, un simple épisode parmi tant d'autres, pesait lourdement sur cette existence de jeune fille. Aussi était-ce toujours avec un cœur tremblant, une appréhension invincible, qu'Annonciade s'en allait chaque après-midi vers Gerlach. Pourtant, comme il lui plaisait, ce vieux manoir farouche, avec ses pièces majestueuses, somptueusement décorées, avec son jardin maintenant plein de roses. Elle l'aimait aux jours ensoleillés, quand la lumière coulait le long des murs gris. Elle l'aimait aux heures sombres, qui l'enveloppaient de sauvages mélancolies. Son origine demeurait enfouie dans le mystère. Bien des secrets terribles étaient enfermés sans doute entre ces murailles d'une épaisseur énorme, en ces souterrains profonds, sinistres, où M. de Pandelon et sa sœur avaient un jour conduit Annonciade pour lui montrer le lieu dans lequel Wenaël le Rouge, sire de Pandelon, célébrait ses messes noires. Mais d'autres châtelains de Gerlach avaient donné l'exemple des plus hautes vertus, et c'était de cela surtout que Run parlait à sa jeune compagne.